Et puis moi j'aurai le plaisir d'être avec vous dès 6h30 pour toute l'info sur RTL. Pour le moment, il est pile 9h30, l'heure de retrouver le grand quiz de Noël. Bruno Guillon, Caroline Diamant. C'est le grand quiz de Noël sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. On est un petit peu à mi-parcours entre cette émission spéciale que nous faisons pour cette semaine de Noël, entre le lundi et le vendredi, mais c'est toujours un plaisir de vous accueillir en ce 26 décembre. Bonjour, bienvenue sur RTL, bienvenue sur la première radio de France. Et notre mère Noël est là. Voilà. Avec ses clochettes. Non. Moi, je trouve que ça vous va bien. Non. Depuis lundi, non. Vous me dites non, mais ça vous va bien. Ben non, parce que je trouve ça pas sexy, la mère Noël. Donc mais ça dépend. Il y a des mères Noël extrêmement sexy. Vous voulez une petite musique de Noël sexy? Regardez. Oh, the weather outside is frightful. Ça y est, je suis sur mon renne. Alors ça, c'est pas sexy, par contre. Pauvre bête. Bonjour Caroline. Oui. Bienvenue sur RTL. Nous allons jouer ce matin, comme nous le faisons tous les jours jusqu'à 11h. La possibilité pour vous de gagner un cadeau extraordinaire. Extraordinaire. Est-ce que vous êtes plutôt princesse ou plutôt pirate? Choisissez votre camp lors du festival Pirates et Princesses du 19 janvier au 17 mars 2019 à Disneyland Paris. Et lors de cette célébration interactive, profitez d'un incroyable concentré de royauté, d'aventures et de personnages Disney. RTL vous invite à choisir entre conte de fées, enchanté ou aventure de pirate, épée ou couronne, boulet de canon ou robe de bal. Vivez une expérience féerique à Disneyland Paris. Vous passerez deux jours de rêve avec des entrées limitées pour les deux parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logé pour une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge en pension complète. Et c'est vrai que c'est sûrement l'annonce la plus longue que l'on ait faite en radio, puisque l'émission est déjà terminée. Voilà, merci de nous avoir suivis. Et accueillons tout de suite Sybille. Bonjour Sybille. Bonjour Caroline et bonjour Bruno. Bonjour Sybille. Merci de m'accueillir. Et ben vous savez quoi, c'est un vrai plaisir. J'espère que vous avez été gâtée pour Noël. Oui, très gâtée, mais ça va continuer, j'espère, aujourd'hui. Ah ben oui. Ah ben non, mais là, après, nous, on s'occupe de la deuxième partie. Tout ce que le Père Noël n'a pas forcément distribué hier, on va l'offrir aujourd'hui, puisque oui, il y a le séjour à Disneyland Paris. Mais vous le savez, et on le dit depuis lundi, il y a également la possibilité de gagner des MacBooks, des iPhones, des iPads, des PS4, des TV 4K. iPhone, oui, 10. C'est ça, vous me faites signe. C'est pas qu'il y a 10 iPhones, c'est un iPhone 10. Vous voyez, la mère Foura de Noël. La mère Foura, oui, qui est devenue plus généreuse. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous savez que vous pourrez choisir une enveloppe dans laquelle se cache un de ces cadeaux. D'accord, Sybille ? D'accord. Je vois que vous êtes responsable expertise. Expertise dans quel genre ? Dans le transport aérien. Bien sûr. Ah, vous contrôlez les avions ? Je m'occupe surtout des passagers, en fait. Ah, oui. Expertise de passagers. Et faites voilà. Confiance à une professionnelle. Sybille est là. Elle voit sur quel siège vous devez vous asseoir. L'inclinaison du siège, mais également les BNC à vos portes. Sybille, une expertise quoi qu'il arrive. Bah, vous avez fait une pub tout à l'heure d'une minute, je peux me lancer aussi dans la pub, Caroline. Ouais, oui, mais là, vous vendez rien. Un petit peu de musique pour détendre Sybille. C'est très esprit de Noël, ça, je trouve. Petit feu de cheminée. Oui. Douceur. Il manque les... Toujours des clochettes. Oh, vous n'allez pas me taper des cloches, ça fait déjà 3 jours. L'été, c'est YouTube. Noël, c'est les clochettes. Je suis désolé, vous ne pouvez pas tout avoir. George Michael, Jesus to a Child. Je vois que vous adorez la marche. Oui. Et vous avec aimez organiser... Chien, en balade. Très bien. Comment s'appelle-t-il? Marvel. Il s'appelle Marvel. Marvel. Oui. Marvel. Hommage à Stan Lee, le créateur des super-héros Marvel, qui nous a quittés maintenant quasiment 2 mois. C'était au début du mois de novembre. Bon, Sybille, vous allez jouer avec nous dans quelques secondes. Tentez de gagner le séjour, d'accord? Tentez de gagner des cadeaux. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit peu de musique, qu'on s'installe tranquillement près de la peau de bête et de la cheminée, d'accord? Ok. Et ça va les clichés, Bruno? Mais je parle pas de vous quand je dis la peau de bête. Non, mais je parle pas de vous quand je dis la cheminée. Le temps pour Caroline de récupérer les questions et on vous pose vos questions juste après ça. Salut à tous, c'est Eric Jean-Jean. En cette période de fête de fin d'année, Grand Frais a gâté les auditeurs d'RTL en leur offrant des bons d'achat de 200 euros. Idéal pour ravir les papilles de toute la famille. On va manger un petit foie gras poêlé, poursuivre un chapon farci au marron avec une petite purée de butternut. C'est pour finir une bûche au beurre, une crème au beurre. Ouais. Surtout des fruits et des légumes. Des fruits exotiques, je pense, en particulier. Merci Grand Frais et de très bonnes fêtes à tous sur RTL. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Bonjour, moi c'est Tom. Et lui, c'est Moby. Il a fallu que j'attende un peu pour le rencontrer. Car chien guide, eh bien ça ne s'improvise pas. C'est toute une éducation, hein Moby? Mais tu es prêt maintenant. Et grâce à toi, je peux aller où je veux. Mais oui Moby, toi et moi, on va être inséparables. Transmettre un leg ou une assurance vie aux chiens guides d'aveugles, c'est financer partout en France l'éducation de nos chiens pour offrir à des personnes déficientes visuelles le compagnon indispensable à leur autonomie. Informez-vous gratuitement au 0800 147 852 ou sur chienguideleg.fr. Monoprix. Tu sais que t'es une privilégiée quand t'es invitée à un royal mariage alors que t'as même pas de particules à ton nom de famille. Et tu sais que t'es une super privilégiée quand tu vas aux ventes privées Monoprix sans carton d'invitation vu que t'as la carte de fidélité. C'est les ventes privées chez Monoprix. Profitez jusqu'à 50% de réduction sur une sélection d'articles mode avec la carte jusqu'au 8 janvier seulement. Monoprix. Voir conditions de l'offre et de la carte en magasin et sur monoprix.fr. Le grand quiz de Noël sur RTL. 6000, première candidate de la matinée, c'est Caroline qui va vous poser des questions. Vous connaissez le principe, un maximum de bonnes réponses vous permettront à la fin de cette première demi-heure de gagner le séjour à Disneyland Paris. Et si en plus vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous choisirez une des enveloppes de la Mère Noël. 6000, êtes-vous prête? Je suis prête. Musique de suspense. Attention, top chrono, c'est parti. Quel plat partagent la Belle et le Clochard lors de leur soirée en amoureux? Des spaghettis. Dans quel sport peut-on... Puté. Je passe. Quel chanteur interprète la boîte de jazz? Michel Jonas. Qu'est-ce qui peut être un instrument de musique ou un épluche-légume? Je passe. Dans Les Bronzés font du ski, comment s'appelle le cochon que Jérôme refuse de soigner? Edgar. Comment appelle-t-on le bâtiment affecté au logement des militaires? Une caserne. Dans quelle chaîne montagneuse se trouve Courchevel? Les Alpes. Quel prénom porte le renne au nez rouge qui guide le traîneau du Père Noël? Je passe. Quel nom d'origine espagnole désigne une cour intérieure à ciel ouvert? Une hacienda. Qui a écrit la série des San Antonio? Je passe. Quel nom anglais désigne une série d'entretiens rapides en vue de rencontrer l'amour? Je passe. C'est le speed dating. Ah, le speed dating. Eh oui, est-ce que vous avez déjà fait des speed dating, Caroline? Oui ou non, dites-moi la vérité. Ah, je vous dis la vérité, non. D'accord, voilà. Eh bien, ce sera peut-être l'occasion pour nous de lancer un speed dating avant la fin de la semaine. Ce serait bien que vous trouviez l'âme sœur, le miracle de Noël. Mais je cherche pas l'âme sœur, laissez-moi tranquille. Bon, Sybille, on va revenir, oui. Si vous le voulez bien, sur vos... Si vous le voulez bien. Moi, si vous le voulez pas. Oh, excusez-moi, moi j'y réveillonné le soir du 25, alors le 26, et ben, je peux avoir des... Et d'ailleurs, j'ai mangé hier soir, ça tombe très bien, des spaghettis. C'était la réponse de la première question, la Belle et le Clochard. Leur soirée en amoureux, oui, ils partagent des spaghettis. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mes amis? À la carte. Oui. Hé, hey, Joe! Bandito dit qu'il veut des spaghettis spéciales. Avec des grosses boulettes de bœuf. Mais les chiens, ça ne parle pas. Il me parle à moi. D'accord, tu as raison. Tu es le patron. La scène du spaghetti qui finit par un bisou. Oh, c'est trop mignon. C'est vrai. Ça le ferait moins avec un rôti de veau, par exemple. Moins glamour. Alors, dans le sport... En question, on a plutôt tendance à puter qu'à puter, chère Caroline. On pute pas. Non, on pute pas. C'est un putter, voilà. Ouais, moi, j'ai prononcé à la française. Oui, non, mais même à la française. Effectivement, en anglais, c'est un put. Mais je veux pas dire, oh, est-ce qu'on peut puter? Si, on va puter. On aurait dit. C'était le golf. Le golf. C'est bien sûr Jonas, la boîte de jazz. Un peu parti, un peu naze. Je descends dans la boîte de jazz. Histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés. C'est pas la tête du bébé. Qu'est-ce qui peut être un instrument de musique ou un épluche-légume? C'est la mandoline. Dans les bronzés font du ski. Alors là. Alors. Là, Sybille, je suis désolé. Alors là. Mais bouffez-le, votre cochon. Ses copains. Bonjour. Ah, c'est copain. Bonjour, docteur. Mais c'est pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est copain. Comment ça, copain? Foutez-moi. Oui, copain, c'est son nom. On l'appelait copain comme cochon. Mais pourquoi vous êtes venu ici? Je ne fais pas l'hypète. Qu'est-ce que j'aime? C'est copain comme cochon. Évidemment. Quel prénom porte Lorraine au nez rouge qui guide le traîneau du Père Noël? Vous avez passé. Ça n'est pas Jean-Jacques Perroni. C'est Rudolph. Lorraine Rudolph. La cour intérieure à ciel ouvert, c'est le patio et non pas l'hacienda. Et c'est Frédéric Dard à qui l'on doit la série des San Antonio. D'après vous, chère Sybille, combien de bonnes réponses? Je dirais 4 peut-être, je sais pas. Eh bien, vous savez quoi? Vous voyez fort justement ces 4 bonnes réponses. Est-ce que ce sera suffisant pour ce séjour à Disneyland Paris? Nous allons le savoir avant 10h du matin. Vous allez être vite fixé. La Sybille, en attendant, ce que je vous propose, c'est de vous faire des bisous et de vous retrouver tout à l'heure et de vous offrir une montre RTL. Merci, à tout à l'heure, j'espère. Eh bien, moi aussi, j'espère. Merci. Passez une bonne matinée sur RTL. Franchement, la prime de Noël chez Opel, j'y avais pas cru. Une reprise de 4000 euros minimum pour l'achat d'une Opel. Ça va, mais bon, j'ai pas 4 ans, quoi. J'ai passé l'âge de croire au Père Noël. Hein. Et en fait, c'était vrai. Et moi, j'ai pas cru le nul, quoi. Elle sera trafiquée, ma voix. Hein. Je préfère, merci. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4000 euros pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Leclerc. Dis donc chérie, 70% de tickets Leclerc sur le lot de 4 bidons de lessive liquide extra total, des lots qui sont déjà à prix Leclerc. Rassure-moi, t'en as pris. Bah, évidemment. Du 27 décembre au 5 janvier chez Leclerc, le lot de 4 bidons de lessive liquide extra total, soit 8 litres 80, est à 21,45€, soit 2,44€ le litre, avec en plus 70% de tickets Leclerc. Produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.1.leclerc. 70% de tickets Leclerc. Ouais, ça fait 15€ sur la carte. Chers voyageurs, on approche tous ensemble de Noël et on se faufile dans la vallée des forfaits mobiles. Couvrez-vous, hein ! Ici, les prix descendent à 0€. Ah oui, 0€, c'est la magie de Noël. Et ça fait surtout chaud au cœur. Oui, oui. À Noël, chez SFR, ils gèlent sur les prix. Jusqu'au 7 janvier, le forfait starter est à 0€ par mois, puis 4€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois. Lutter contre la pauvreté, c'est un combat. Lutter pour la dignité des personnes âgées et handicapées, c'est une mission. Lutter pour protéger les enfants, c'est un devoir. Lutter contre toutes les formes d'exclusion, c'est ça notre engagement. Mais c'est avec vos dons que l'Armée du Salut avance. Faites un don sur armeedusalut.fr, car certains combats méritent une armée. Carrefour, on a tous droit au meilleur des réveillons. Chez Carrefour, il y a 15€ en bon d'achat tous les 60€ d'achat sur tous les jeux vidéo. Non mais c'est dingue, 15€ en bon d'achat sur tous les jeux vidéo. Résultat des courses, c'est qui le roi des économies? Ben c'est moi. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de 15€ en bon d'achat tous les 60€ d'achat sur tous les jeux vidéo avec votre carte Carrefour. Carrefour. Hors console et accessoires, offre limitée à 180€ d'achat. Bon d'achat valable du 31 décembre au 6 janvier, hors carburant, drive et service. Modalité magasin participant sur carrefour.fr. Caroline Diamant, Bruno Guillon, c'est le grand quiz de Noël sur RTL. Quel plaisir de vous accompagner tous les matins pendant cette semaine de Noël sur RTL. Merci. Je parlais aux auditeurs, mais c'est un plaisir de vous accompagner aussi. Je ne vous sais pas seul durant les fêtes et ça me fait plaisir, Caroline. On a eu Sybille avec ses 4 points il y a de cela quelques minutes sur RTL et tout de suite, c'est Marie-Thérèse. Absolument, bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Caroline Diamant, bonjour Bruno Guillon. Eh ben bonjour Marie-Thérèse, merci d'être là avec nous ce matin. Eh oui. Ben c'est moi qui suis heureuse de participer au quiz, je suis ravie d'avoir été sélectionnée. Ah ben écoutez, nous sommes ravis pour vous et vous savez tous les beaux cadeaux que nous avons à offrir pour cette session de Noël du Grand Quiz. Vous aimez, alors vous habitez à Salency dans l'Oise. Oui, et Salency dans l'Oise, c'est où? Eh ben c'est dans l'Oise. Voilà, je vois que la géographie et vous, c'est hiver comme été, vous êtes... Ah ouais, bah non, qu'est-ce que vous croyez que je sais rien en été et tout à coup j'ai des connaissances en hiver? Mais non, mais comme moi, à la rentrée de septembre, je vous écoute tous les soirs avec la bande des grosses têtes et Laurent Ruquier, je me dis que voilà, la tête des fulgurances. Et non. Non, mais en revanche, je peux vous dire une chose. Vous aimez Mike Brandt, et moi aussi, j'aime Mike Brandt. Qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi, ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Oh, c'est beau. Et moi, et un petit laisse-moi t'aimer. Laisse-moi toute la nuit. On me parlait pas comme ça, hein, Thérèse, j'ai un petit cœur sensible, hein, moi, attention. Le plus beau voyage. Veux-tu le faire aussi. Je vous dérange? Non, excusez-moi. Oh, et on est en train de réchauffer l'ambiance, c'est Noël. Marie-Thérèse. Oui. Ce sera pas toute une nuit, j'ai pas l'endurance, mais là, pendant une minute, je vais vous poser des questions. Oui, j'espère que ça ira. J'espère aussi. À ces questions, vous allez essayer d'apporter un maximum de bonnes réponses. 4, c'est le score qu'il faut pour rester dans la compétition pour le séjour à Disneyland Paris. Mm-hmm. D'accord. Et si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous choisissez une enveloppe de la Mère Noël. Elle est là, avec ses clochettes. Et vous repartirez peut-être avec un gros cadeau. Est-ce que vous êtes prête, Marie-Thérèse ? Je suis prête. Top chrono, c'est parti. Qu'est-ce qui peut être bien pendu, vivante ou étrangère à l'école ? La langue. Quel nom portent les petits choux fourrés de glace vanille et nappés de chocolat chaud ? Les profiteroles. Comment appelle-t-on les vocalises tyroliennes ? On passe. Dans quelle série télé Huggy les bons tuyaux aide-t-il deux policiers à résoudre des enquêtes ? Ah. J'en passe, je me rappelle plus. Dans Cendrillon, quel nom démoniaque porte le chat ? Gabriel, non. Quel nom de légume donne-t-on à un très mauvais film ? Un navet. À quel ancien Beatles doit-on la chanson Wonderful Christmas Time ? Comment il s'appelle ? McCartney. Comment appelle-t-on les gants qui laissent à nu les deux dernières phalanges des doigts ? Des mitaines. Dans quel massif montagneux se trouve la station de Gérardmer ? La Haute-Savoie, peut-être. La Savoie. Quel humoriste nous conte les aventures de Couillu le caribou ? C'est pas possible, c'est Laurent. Notre ami Laurent Gérard. Ah oui, en plus je l'écoute tous les jours. Et comme tout le monde, évidemment. Mais tout le monde écoute Laurent Gérard le matin sur RTL. Marie-Thérèse. Oui. Nous allons revenir, si vous le voulez bien, sur vos différentes réponses. J'ai dit Gérard Mer, on dit Gérard Mer, je crois. Oui, mais j'avais envie d'un peu de plage. On revient sur vos réponses, bonnes comme mauvaises, avec Caroline. Comment appelle-t-on les vocalises tyroliennes ? Je n'ai pas la voix pour vous le faire, mais c'est le yodel. Ah, ça y est, je suis en Bavière avec Sissi, l'impératrice. J'ai une chope de bière à la main que je bois avec modération. Je vois tellement dans le costume, en fait. Alors, pas de Sissi. Chez tes petites nattes et je lis des livres écrits par Gutenberg. Vraiment, ça fleure bon la Bavière. Allez, le gueugue, la suite. Dans quelle série télé Guy les bons tuyaux est-il de policier ? Chez Starsky et Hutch. Ah, ça, c'est Hutch, ouais. Avec cette voiture rouge, avec cette grande virgule blanche. C'était la vanne quand j'étais petit. Monsieur et madame, nanananana, ont deux fils, comment les appellent-ils ? Starsky et Hutch. Nanananana. Et ma mère qui s'appelle Maggie. Je croyais qu'elle s'appelait Hutch. Je l'appelle tout le temps Maggie les bons tuyaux. Ah, c'est pas bête. Ça. Ben voilà. Coucou, et ma Maggie. Mère qui s'appelle Claudette, ça ne marche pas. Du coup, pas forcément. Dans Cendrillon, le nom démoniaque que porte le chat, c'est Lucifer. Ah oui, Lucifer. Et moi, j'aime bien la petite souris Gus Gus, celle qui zazote un peu quand elle parle. Oui, je retombe en enfance. Il n'y a pas de souci. Très bien. L'ancien Beatles qui chante Wonderful Christmas Time, c'est effectivement Paul McCartney. We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Alors, le massif montagneux dans lequel se trouve la station de Gérardmer, vous m'avez proposé la Haute-Savoie, puis la Savoie, et je vous supprime les deux et je vous mets les Vosges à la place. Oui, oui. Et enfin, on vous a dit, on a terminé avec Couillu le caribou et notre Bruno Guillon qui fait extrêmement bien l'accent québécois. Découvre ça. Il a tellement de choses à découvrir, mon petit Bruno. C'est pour ça qu'on revient. L'été ne se fut plus, on revient l'hiver. Bah oui. Marie-Thérèse. Oui. Il fallait 4 points. Oui. Vous Vous en avez 5. Ah, c'est bien. Pour l'instant, vous êtes en tête pour le premier séjour à Disneyland Paris. D'accord. Mais nous allons rejouer avant 10h du matin. J'espère que ça restera tel quel pour que vous repartiez avec ce séjour. Là, tout de suite, en tout cas, c'est avec grand plaisir que je vous offre une montre RTL. Ah, bah, c'est gentil, merci. Je vous embrasse, Marie-Thérèse. Peut-être à tout à l'heure. Peut-être à tout à l'heure, j'espère. Au revoir. Bonne chance à tout le monde. Merci. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Oh non, non. Mais non les enfants, on va pas manger un chaton, mais un chapon. Un chapon. Jusqu'au 31 décembre, dans votre Intermarché, le chapon fermier Label Rouge Origine France, Loué ou Saint-Sevé est à 9,49€ le kilo, avec en plus 6€ en avantage carte par chapon. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Selon approvisionnement en magasin, chapon d'environ 3 kg. Modalité magasin participant sur noël.intermarché.com. Hey, t'es prêt pour le Super Boxing Day? 20 matchs de foot anglais pendant les fêtes, ça va être incroyable! Incroyable! Ah, je dirais même que c'est ouais, c'est incroyable. Voilà! Le Super Boxing Day, c'est en ce moment avec 20 matchs unbelievable en exclusivité sur la chaîne RMC Sport. Abonnez-vous à partir de 9€ par mois sans engagement sur rmcsport.tv. Offre soumise à condition 9€ par mois pour les abonnés mobile et box de SFR jusqu'au 7 janvier ou 19€ par mois en abonnement digital. Unbelievable. Incroyable. Cyril, tu dis toujours divin foie gras du sud-ouest. Parce que c'est divin. Et foie gras, ça va avec sud-ouest. C'est comme ça. IGP, Canara foie gras du sud-ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Lande, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne et de la région Occitanie. Intersport. Avant, Sophie repoussait toujours sa séance de sport. Moi, j'irai peut-être demain ou le mois prochain. Mais depuis qu'elle a profité des ventes privées sur les plus grandes marques de sport... Qui vient courir avec moi? Là, maintenant, tout de suite? Jusqu'au 7 janvier, ce sont les ventes privées chez Intersport. Grâce à votre carte Intersport, profitez de remises jusqu'à moins 50% sur une sélection d'articles. C'est jusqu'à 50% de réduction et 100% de sport en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions, dates et listes des magasins participants sur intersport.fr. Écoutez bien. Vous n'entendez rien? Non? Toujours pas? Et pourtant, ils sont là. En France, plus de 150 000 personnes vivent dans la rue et dans l'indifférence. Aidez-nous à agir. Donnez sur don.fondationabbépierre.org. Merci. Fondation Abbé Pierre. Être humain. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les selfies de Thelma qui changent. Avec le smartphone Samsung Galaxy J2 à 99,90€ au lieu de 169,90€. Moins 70€, Thelma. Cet écran fissuré depuis 6 mois. Oublie-le, fais-toi plaisir. Jusqu'à demain, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le smartphone Samsung Galaxy J2 16Go à 99,90€ et vos selfies changent. Auchan. Dont éco-participation 2 centimes. Kit main libre recommandé, DAS 0,673 watts par kilo. Caroline Diamant, Bruno Guillon, c'est le grand quiz de Noël sur RTL. Toute cette semaine de Noël spéciale, quiz de Noël pour vous offrir des cadeaux, toujours en rapport avec Noël. Voilà, vous avez peut-être ouvert vos cadeaux hier sur le pied du sapin, sous le pied du sapin. Sous le sapin même. Ouais, parce que sous le pied, ça fait vraiment. Bah, quand on est sous le pied du sapin, ouais. Ça sent le sapin. C'est pas bon signe. C'est pas un bon Noël. Eh bien, nous vous proposons de réoffrir d'autres cadeaux ce matin et jusqu'à vendredi. Des séjours à Disneyland Paris, mais il y a également des MacBook, des iPhones, des téléviseurs 4K 49 pouces, des iPads, des PlayStation 4. Et pour rafler tout ça, il y a surtout Hubert. Bonjour Hubert. Bonjour. Bienvenue sur RTL. Oui. Bonjour Hubert. Bonjour. Cousin Hubert. Cousin Hubert. Vous êtes en Belgique ou ça en Belgique, Hubert? À Ramnich, côté de Tournai. D'accord. Est-ce que les fêtes de Noël se passent bien du côté de la Belgique? Très très bien. Ça s'est très bien passé. En famille? J'ai repris le travail. Oui. D'accord. Vous travaillez dans quoi? Je suis kiné. Vous êtes kiné. Hubert, vous avez 46 ans, mais générationnellement parlant, vous êtes un peu plus fan de chanteurs à texte des années 70. Oui, tout à fait. Ouais. J'aime beaucoup Serge Lama, Brel. Brassens, je vois également. Brassens. Bon, aussi, on a un petit peu tout ça, musique. Une jolie fleur dans une peau de vache. Ah. Une jolie vache déguisée en fleur. Ne regardez pas comme ça, je pensais pas à vous, Caroline. Bruno, c'est vous qui me fixez pendant cette chanson et je trouve que c'est très désagréable. C'est pour la fleur, c'est pour la fleur. Bien sûr. Je vais vous sonner les cloches. On a un petit peu de Serge Lama ou pas? Je m'adresse à François Touchard. Bien sûr. Femme, femme, femme, fais-nous du soleil. Femme, femme, femme, rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Femme, femme, et Alors, puisqu'on parle de chanteurs français à texte des années 70, 80 également, et même maintenant pour Serge Lama qui chante toujours, mais je voudrais que vous nous parliez de cette anecdote concernant un chanteur, ou plutôt le fils d'un chanteur, s'il vous plaît. Oui. C'était il y a déjà quelques années, puisque je devais avoir une dizaine d'années, et par hasard je me suis retrouvé sur une plage de l'île de Ré, et il y avait un petit garçon qui était sur un toboggan, et donc je suis allé sur le toboggan aussi, et en fait ce petit garçon c'était le fils de Gilbert Bécaud, et c'est Gilbert Bécaud qui le poussait sur le toboggan, donc finalement j'ai fait du toboggan avec Gilbert Bécaud, ce qui doit pas être très très courant comme anecdote. Alors ça je vous confirme, là je vous avoue que sur la liste des anecdotes qu'on a pu avoir, celle-ci est la plus originale. Le fils de Gilbert Bécaud qui travaille à RTL et que l'on salue. Ah oui, ça je ne savais pas. Hubert, qui travaillait à RTL. Oui, moi, quand on a travaillé à RTL, on y est pour toute la vie. Parce que ce n'est pas un travail, c'est une passion. Et RTL, ce n'est pas une entreprise, c'est une maison de vie. Voilà, c'est tout. Est-ce que je peux raconter mon anecdote toboggan? Alors, on me dit que non. Là, visiblement, urgence de questions, urgence de fêtes. Très bien, mais vous allez frustrer les auditeurs, vous le savez. Bon, alors, okay. Je la raconterai demain. Non, ça y est, je suis déjà frustré. Anecdote de toboggan. Alors, Caroline. Eh bien, ma petite fille chérie, au parc Monceau, quand elle faisait du toboggan, eh bien, quand elle est arrivée en bas, elle est tombée. Et qui est-ce qui l'a ramassée? Robert Gilbert De Niro. Bécaud. Mais non. Absolument. Voilà. Elle est bien ou pas, ma mon elle anecdote est, elle est véridique. Pas mal. Et est-ce qu'il a regardé votre fille en faisant « You fuck my wife » Et non, je lui ai dit « You fuck my son ». Bon, voilà. Allez, Hubert. Oui. Ça n'est pas l'esprit de Noël. Ça Caroline vous pose des questions. D'accord. D'accord. Vous tentez, et là vous êtes obligé de donner 5 bonnes réponses. Si vous voulez être à égalité avec Marie-Thérèse qui a joué tout à l'heure. D'accord. Si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous pourrez choisir une petite enveloppe de la Mère Noël. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Eh bien, nous y allons après cette petite toux de Caroline qui a toujours. Je ne savais plus sur quel bouton appuyer. Oh bah c'est, vous savez jamais sur quel bouton danser. Allez top chrono, c'est parti. Quel appareil électroménager situé au-dessus d'une gazinière aspire les vapeurs et les odeurs? Une hotte. Quel âge a un arbre bicentenaire? 200 ans. Dans quel film d'animation un rat est-il l'apprenti d'un chef cuisinier? Ratatouille. Au hockey sur glace, avec quel accessoire le palais est-il manipulé? Une crosse. Comment s'appelle le code à 3 chiffres présent au dos des cartes bancaires? Le cryptogramme. Quel animal est Miss Piggy dans le Muppet Show? Une cochonne. Dans quel massif, dans quel massif montagneux se trouve la Bourboule? C'est le massif central. Quel artiste se balade sous les jupes des filles dans le titre de sa chanson? Alain Souchon. Si l'on est superstitieux, combien de convives ne doit-on pas avoir autour de sa table pour dîner? Quel nom porte l'avion qui transporte le président des États-Unis? Air Force One. Quel dessert italien signifie « redonne-moi des forces » Tiramisu. Oui, mais alors là, je c'est après vous le dire. Gong. Ouais, vous parlez pas comme ça de la Mère Fourin, c'est pas un gong, c'est la Mère Fourin, voilà. Et oui, c'était à la fin du chronomètre. Bon, Hubert. Dites-moi. Oh, ben je vais vous dire. Ben Hubert. Je vais vous le dire, Hubert. Moi, j'ai envie de dire cousin Hub. Exactement. Oui. Hubert, vous avez totalisé. Suspense. 10 bonnes réponses. Ouais. Bravo. Super. Alors, félicitations. Alors là, de deux choses l'une. La première, c'est quoi? C'est que vous allez passer deux jours de rêve. D'accord, avec des entrées illimitées pour les deux parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios, logé pour une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge en pension complète, et vous allez pouvoir participer au festival Pirates et Princesses qui va se tenir du 19 janvier au 17 mars prochain, et vous allez voir, vous allez passer un séjour extraordinaire en famille. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir choisir une des enveloppes de la Mère Noël. Et la Mère Noël, c'est moi. Elles sont numérotées de combien à combien, Caroline? Eh bien, figurez-vous qu'il y en a une avec le chiffre 1, une avec le chiffre 2, 3, 4 et 5. Vous choisissez quelle enveloppe? La 3, on va prendre au milieu. J'aurais pris pareil, dites donc. Enveloppe 3. Alors, j'ouvre la 3. Attention, vous entendez, je décachette. Oh, oui. Je déplie. Déplie. Et là, je découvre. un téléviseur 4K 49 pouces. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Bon, bah, Hubert, le Père Noël est passé deux fois. C'est un bon Noël. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Passé deux fois pour vous. Et hier et aujourd'hui, on vous envoie ça très très vite du côté de la Belgique à Rhein-Nichin, à côté de Tournai. Tout à fait. Merci beaucoup. Et bravo à vous. Hubert, on vous embrasse. Merci. Et joyeuse fête. Et joyeuse fête à tout le monde. Mais oui. Et ça continue sur RTL. Des cadeaux à n'en plus finir. Nous allons rejouer dans quelques secondes avec un autre séjour à Disneyland Paris à vous offrir. Mais pour l'instant, vous écoutez RTL, il est 10h. Le Flash avec Alexandre de Saint-Aignan. Le fils de Sophie Petronin lance un nouvel appel à Emmanuel Macron, invité de RTL ce matin. Il affirme que le chef de l'État a pouvoir de vie ou de mort sur l'otage française. Détenu au Mali depuis deux ans, Sébastien Chado Petronin n'a pas renoncé à se rendre sur place pour tenter de négocier la libération de sa mère. Mais le Quai d'Orsay tente de l'en dissuader, préférant la discrétion et le professionnalisme. La famille de Sophie Petronin est très inquiète. La dernière vidéo montre l'otage de 73 ans très fatigué et affaibli. Il y a de l'eau dans le gaz entre l'Élysée et Alexandre Benalla. L'ancien collaborateur du chef de l'État dénonce des propos diffamatoires venant de l'entourage d'Emmanuel Macron suite aux révélations sur le récent voyage d'Alexandre Benalla au Tchad début décembre. Emmanuel Macron, en visite au Tchad il y a quelques jours, a tenu à clarifier les choses auprès du président Idriss Déby. Alexandre Benalla n'est pas un émissaire officiel ou officieux de l'Élysée. Je n'exerce plus aucune fonction depuis le 1er août dernier, martèle l'ancien chargé de mission du palais présidentiel. Un nouvel appel du pied aux gilets jaunes. Le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, a déclaré ce matin sur RTL qu'il souhaite une liste ouverte pour les élections européennes soutenues par le PCF, mais aussi peut-être par d'autres. La colère seule ne produit rien de bon. Il y a d'autres choix à faire, selon lui, invitant les gilets jaunes, mais aussi les blouses blanches des infirmiers, les robes noires des avocats ou encore les cols bleus des ouvriers à rejoindre les communistes. Plus d'un million 700 000 signatures pour la pétition climatique, l'affaire du siècle. Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, se dit agréablement surpris par ce succès. Heureux que les citoyens s'expriment pour lutter contre le dérèglement climatique. La pétition a été lancée par 4 ONG qui réclament un recours en justice contre l'État pour inaction climatique. Ce n'est pas dans un tribunal qu'on va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, répond le ministre. Ce n'est pas le sens de nos institutions. Et conséquence dramatique du changement climatique. Une étude scientifique révèle ce matin que 80% des poissons ont disparu dans la baie de Somme depuis 30 ans. Dans le même temps, la température de l'eau a rapidement augmenté et elle devrait continuer à augmenter dans les prochaines années. Cette disparition des poissons ne serait pas liée à une éventuelle surpêche. Au Japon, le gouvernement a décidé de rouvrir la chasse à la baleine. Même si l'archipel n'a jamais vraiment mis un terme à cette pratique, sous prétexte d'études scientifiques, la chair des baleines finissait quand même bien souvent sur les étals des poissonniers, mais cette fois le Japon renoue publiquement avec la pêche commerciale, une décision vivement condamnée par les organisations écologistes. La météo pour cet après-midi, du soleil sur l'ensemble du pays. On notera juste quelques entrées maritimes dans le golfe du Lion avec un vent modéré et un ciel souvent plus nuageux sur la moitié ouest. Attention, les températures sont en baisse. 4 degrés à Colmar cet après-midi, 6 à Paris et au Havre, 8 à Châteauroux, 10 degrés à Cherbourg, à Niort, 12 à Avignon, 13 à Cahors, 15 degrés à Pau et le maximum 16 degrés pour Ajaccio. Les courses à Chantilly cet après-midi. Voici les pronostics de Bernard Glace. Pour le Quintet, il vous conseille de miser sur le 17, le 16, le 12, l'As, le 2, le 14, le 8, le 13 et la dernière minute, c'est le numéro 8. Assonance, il est 10h03 sur RTL. Dans un instant, la suite du grand quiz de Noël avec Bruno Guillon et Caroline Diamant. C'est de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne matinée sur RTL. Bonjour, c'est Thomas Hugues. Tradition oblige, les fêtes de fin d'année sont l'occasion de prendre de bonnes résolutions et je serais curieux de connaître les vôtres, tiens. Parce qu'il ne faut jamais laisser un proche qui a trop bu reprendre le volant. Moi, j'ai toujours une chambre d'amis ou un canapé-lit à disposition et s'il faut confisquer les clés de voiture, pas d'hésitation. Pourquoi ? Parce que la nuit, un accident mortel sur deux est causé par l'alcool. Alors ne laissez pas quelqu'un qui a bu reprendre la route. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière, tous responsables. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Gaël de Gap, un giga en vie pour Noël d'un forfait mobile gavé de giga et d'un smartphone tout neuf. Il en serait gaga de ça, Gaël. Le problème, c'est qu'il a peur de griller toutes ses économies. Eh bien, Gaël, cessez d'angoisser du porte-monnaie car l'offre qui va suivre est giga faite pour vous. En ce moment, chez Bouygues Télécom, vivez un Noël inoubliable et profitez de 15 euros de réduction par mois pendant 12 mois sur les forfaits Sensation 50 gigas et plus. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation du numéro. Faites les fêtes chez Géant et fondez de plaisir pour les bonnes affaires. Jusqu'au 31 décembre chez Géant, la viande bovine pièce à fondue est au prix très festif de 9,95€ le kilo. Oui, 9,95€ seulement. Joyeuses économies à tous chez Géant. Ouverture exceptionnelle ce dimanche toute la journée. Viande d'origine France, vendue en caissette d'1,5 kg. Voir conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. C'est le grand quiz de Noël sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. C'est la deuxième heure de ce grand quiz de Noël, émission spéciale, voilà, pour cette semaine de Noël entre 9h30 et 11h tous les matins sur la première radio de France. Ravi de vous accueillir avec Caroline qui se transforme en Mère Noël durant toute cette semaine. Ouais, j'aurai les clochettes systématiquement. Laissez-moi. Et vous avez offert tout à l'heure, en plus du séjour à Disneyland Paris, un téléviseur 4K. Moi, ce que je vous propose, c'est que nous vous offrions un second séjour avant 11h du matin. Est-ce que vous êtes plus princesse ou pirate? Est-ce que vous allez plonger au cœur d'un conte de fées aux côtés de légendaires princesses Disney ou lèverez-vous les voiles pour un voyage intrépide en mer? On vous invite entre contes de fées enchantées ou aventures de pirates, épées aux couronnes, boulets de canon ou robes de bal pour cette expérience féerique à Disneyland Paris. Deux jours de rêve avec des entrées illimitées pour les deux parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Et vous serez logé pour une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge en pension complète. Au fur et à mesure où je donne le descriptif de ce cadeau, Alice, qui est en attente au standard d'RTL, se dit je veux y aller. Bonjour Alice. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Alice, bienvenue sur RTL. La toute Merci. Jeune Alice, je me permets de dire votre âge, 23 ans. Oui, c'est ça. Alors vous habitez Villiers-en-Cauchy. Villiers-en-Cauchy. Oui. Et oh, bah c'est, je rattrape, vous savez, dans ces cas-là, c'est pas très très grave, on fait comme si de rien n'était, c'est dans je le Nord. Je sais qu'il faut pas que je me lance sur les noms. Je sais. Ça va faire combien de temps qu'on fait de la radio ensemble sur RTL? 3 ans maintenant? Oui, ça vous fait le savez. Bah oui, sur la bah géographie, oui. Je suis là, je bah vous oui. aide. Oui, oui, vous, de toute façon, surtout vous, mes poulets. Oui. Vous savez que j'ai besoin d'une épaule. En tout cas, vous aimez, en tout cas, je sais pas pourquoi je dis en tout cas, mais vous aimez La La Land, vous aimez Titanic. Oui. Alors là, je suis avec vous. Vous aimez le titre Coco Caline de Julien Doré, je suis avec vous aussi, mais là où je ne suis pas avec vous, c'est que moi je n'ai pas eu la chance de voir la grande Beyoncé en concert. Queen Bee. Vous l'avez vue où? Au Stade de France. Oui, remarquez, c'est vrai qu'elle passe pas dans les petites salles près de chez nous. Et alors, est-ce que c'était à la hauteur de vos attentes? Au-delà de mes attentes. C'est vrai? Oui. Bah, elle était avec monsieur en plus. Oui, elle était avec Jay-Z. Elle était avec Jay-Z, elle est en couple. Voilà, mais c'était. C'est, j'ai vu quelques images, c'est vrai que ça avait l'air impressionnant. Mais bien sûr. Mais je sais, en plus, c'est dommage que nous ne soyons pas retransmis télévisuellement, puisque je sais que. La chorégraphie sur Single Ladies, Caroline, vous la tenez à la perfection. Et voilà, et elle est en train de me la refaire en direct. Allez-y, non, juste pour les gens du studio. Voilà. Magnifique. C'est-à-dire que quand Beyoncé danse, on voit ce déhanché caractéristique de Queen Bee. Et quand c'est Caroline qui le fait, on a l'impression qu'elle est en train de passer un ballet invisible dans le studio. Oh, je le fais pour vous. Voyez, vous savez rien apprécier. J'apprécie. Je fais des tentatives uniquement pour vous. Mais c'est là où du coup on peut envoyer la musique de Titanic après cette prestation. Et oh ça reste raccord avec les passions d'Alice. La méchanceté de cet homme. Moi je pensais que l'été vous étiez méchant, mais je pensais que l'hiver, pendant les fêtes c'est pire. Vous étiez gentil, vous étiez tout doux, tout ramolli. Eh ben non, pas du tout. Alice, félicitations, je vois que vous êtes capétienne depuis cet été. Oui. Vous êtes professeur de quoi? De français. Professeur de français, ah. Oups. À n'en pas douter. C'est un délice d'oreilles que vous avez chaque matin en nous écoutant, puisque nous châtions comme il se doit la langue de Molière. Et si jamais vous faisiez une erreur, je peux vous dire, vous le disiez et il n'y a pas de souci, on se tiendra au courant. Bon, Alice, allez, trêve de plaisanterie. C'est moi qui vous pose des questions. D'accord. On repart à zéro. Vous allez donc établir le score à battre avant 11h du matin. Tout à fait. Et si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, oh joie, bonheur, vous pourrez choisir une des enveloppes de la Mère Noël pour un gros cadeau. Est-ce que vous êtes prête, chère Alice ? Je suis prête. Nous y allons. Quel oiseau fabuleux renaît de ses cendres ? Le phénix. Quel est le nom de la cérémonie qui récompense chaque année le cinéma français ? Les Césars. En musique, comment s'appelle l'appareil servant à battre la mesure ? Passe. Dans le dessin animé La Reine des Neiges, quel personnage chante Libéré, délivré ? Elsa. Quel champignon est toxique lorsqu'il est dit Satan ? Passe. Quel homme politique français a rendu l'école primaire obligatoire, gratuite et laïque ? Jules Ferry. Dans quoi doit-on plonger une tomate pour la monder ? Passe. Quelle chanteuse vient de sortir un album de reprise intitulé Folk ? Nolwenn Leroy. Quel petit objet aimanté colle-t-on sur le frigo ? Un magnète. Qui joue le rôle de John McClane dans la série Die Hard ? Passe. Quelle marque de scooter célèbre signifie « guêpe » en italien ? Vespa. Quelle célèbre religieuse avait pour expression favorite « Yalla » ? Sœur Emmanuelle. Sur quelle plante ? Et Sœur Emmanuelle, c'était une bonne réponse. Oui, Calogero qui nous rappelle qu'il y a la pub là tout de suite et donc on va revenir sur vos réponses juste après ça. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock, rock, rock, rock, rock. Easy come, easy go, now we on top. Feel the shot, body rock, rockin' don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. I got a feeling sur un son de David Guetta, les Black Eyed Peas sur RTL. Salut à tous, c'est Vicente Lissarassou. Je vous souhaite de joyeuses fêtes en famille avec nous sur RTL. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les selfies de Thelma qui changent. Avec le smartphone Samsung Galaxy J2 à 99,90€ au lieu de 169,90€. Moins 70€, Thelma. Cet écran fissuré depuis 6 mois. Oublie-le, fais-toi plaisir. Jusqu'à demain, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le smartphone Samsung Galaxy J2 16Go à 99,90€ et vos selfies changent. Auchan. Ton éco-participation 2 centimes. Kit main libre recommandé DAS 0,673 watts par kilo. Parce que la foi est un trésor qui se partage. Parce que notre monde a tant besoin d'engagement, d'espérance, de fraternité. Parce que l'Église ne vit que des dons de ses fidèles, merci pour votre soutien à sa mission. Faites un don sur denier.catholique.fr. Vous bénéficierez d'une déduction fiscale de 66% du montant de votre don. Le passage au prélèvement à la source ne modifie en rien le montant de cette déduction. Carrefour, on a tous droit au meilleur des réveillons. Chez Carrefour, il y a 15 euros en bon d'achat tous les 60 euros d'achat sur tous les jeux vidéo. Non mais c'est dingue, 15 euros en bon d'achat sur tous les jeux vidéo. Résultat des courses, c'est qui le roi des économies? Ben c'est moi. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de 15 euros en bon d'achat tous les 60 euros d'achat sur tous les jeux vidéo avec votre carte Carrefour. Carrefour. Hors console et accessoires, offre limitée à 180 euros d'achat. Bon d'achat valable du 31 décembre au 6 janvier, hors carburant, drive et service. Modalité et magasin participant sur carrefour.fr. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec la première radio de France. Yes, on a cozy little Christmas here with you. Le grand quiz de Noël sur RTL, Bruno Guillon, Caroline Diamant. Alice tente d'établir le score à battre avant 11h pour ce jour de 26 décembre. On va revenir sur vos réponses, si vous le voulez bien, avec Caroline. Oui, l'oiseau qui renaît de ses cendres est un phénix. Oui, le nom de la cérémonie qui récompense le cinéma français, ce sont les Césars. En revanche, en musique, l'appareil qui sert à battre la mesure est un métronome. Voilà. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, parce que voilà, il faut c'est que je vous grand explique, moment de solitude. C'est que il y avait Caroline qui était en train de me faire un signe en faisant le métronome avec son bras. Je et rappelle... je me rappelle que je suis à la radio. Voilà, c'est ça. Voilà. Et... même si depuis maintenant quelques temps, vous êtes une star de la télévision tous les après-midi sur France 2, aux côtés de Daphné Burki, où vous excellez. Je me permets de ah, le dire. Merci, c'est je gentil. Vous trouve charmante, vraiment, oh, Caroline. Merci. Mais du coup, oui, là, c'est la radio, non, bah oui, donc là, ça c'est... ne se voit pas. Ça voilà. marche pas. Non. Et alors? Je présente mes excuses en avance à tous les gens à qui nous allons mettre ce titre en tête pour les 800 prochains jours, puisque effectivement dans le dessin animé La Reine des Neiges, le personnage qui chante Libéré, délivré, c'est effectivement Elsa. Oui, mais à Noël, c'est bien. Et j'embrasse ma copine Anaïs Delva qui prête sa voix à Elsa dans le dessin animé de Disney. Et d'ailleurs une apparition très remarquée et très drôle dans le film Aladdin 2 qui est sorti là en début de saison scolaire où elle apparaît aux côtés de Jamel Debbouze et de Kev Adams. Le champignon toxique qui est toxique lorsqu'il est dit Satan, c'est le bolet. Enfin, quand doit-on... Alors, je vais vous épater, Bruno. Dans quoi doit-on plonger une tomate pour la monder? Eh bien, figurez-vous que c'est une des rares choses que je connais en cuisine. Mm-hmm. C'est de l'eau bouillante. Figurez-vous que si vous plongez une tomate dans de l'eau bouillante, genre 30 ou 40 secondes, oh, vous l'épluchez, ou 10 secondes, parce que visiblement, après, on la cuit, eh bien, vous l'épluchez parfaitement. Ça permet de la peler parfaitement. Enfin, alors là, non, là... Là, ma petite Alice, qui joue le rôle de John McClane dans la série Die Hard? Alors là, non, c'est mon chéri, j'ai besoin de le regarder au moins une fois par an. C'est Bruce Willis. Et à moi, ah, oui. Sans gérer, on passera Noël en famille, on fera la fête. Bon, on va revenir sur votre score. C'est celui que les auditeurs qui vont désormais nous rejoindre sur RTL avant 11h vont tenter de battre. C'est pas mal, hein ? Alice, vous avez 8 bonnes réponses. Ah bon, j'espère que ça suffira. Eh ben j'espère aussi, on le saura dans une cinquantaine de minutes. Là, moi, ce que je vous propose, c'est de vous offrir une montre RTL, d'accord ? Merci. De vous embrasser chaleureusement et de vous dire peut-être à tout à l'heure. Peut-être à tout à l'heure. Plein de bisous, Alice. Un gros bisou. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher, a marqué le retour de Zazie avec ce titre Speed sur RTL. RTL. 11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Demain, j'arrêterai. Demain, je m'y mettrai. Vous savez ce qui me ferait plaisir, Stéphane ? Eh non, dites-moi. Eh ben, c'est de tout savoir ce qui va se passer l'année prochaine. Vous y tenez vraiment, vous ? Ah bah oui. J'ai tout ce qu'il vous faut. Grâce à Christinas et chouchou de la voyance, là, le voyant Frédéric Williams, vous saurez tout sur tout. Alors rendez-vous à 11h, parce qu'à la bonne heure, je le vois, c'est à 11h sur RTL. À tout à l'heure. Conforama, le confort pour tous. Quand on veut profiter des ventes privées sans se priver, nous, on propose jusqu'à moins 50% sur une sélection de produits avec la carte Confo Plus. Encore une bonne raison d'avoir la carte. Conforama, jusqu'au 7 janvier, magasins participants et conditions sur conforama.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? T'es chez Lidl ? Ah oui, c'est les semaines de luxe ici. Et en ce moment, les 12 noix de Saint-Jacques farcies au beurre à l'ail et au persil sont à 4,99€ les 150 grammes. Moins de 5€ les 12, encore un prêt à la noix. C'est le vrai prix. Et chez Lidl, 75% des références de poissons sauvages frais et surgelés sont labellisés MSC dans sa gamme permanente. Eh ben on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 33,27€ le kilo, produit transformé en France, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Supermarché ouvert ce dimanche 30 décembre. Plus d'informations et horaires sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. RTL. Le grand quiz. C'est le grand quiz de Noël. Grand quiz de Noël sur RTL et Sandra qui nous rejoint ce matin. Bonjour Sandra. Bonjour. Bienvenue sur RTL. Bonjour Caroline, bonjour Bruno. On est à Montbard, à côté de Dijon. Voilà, c'est ça. Non Bruno, nous on n'est pas à Montbard, c'est Sandra qui est à Montbard. Il oublie toujours. Hein. Oh là là. Sandra, que faites-vous dans la vie ? Je suis conducteur d'engin dans les travaux publics. Comme c'est original pour une femme. Oui, on n'a pas beaucoup. Ben oui, on n'a pas beaucoup, ça se passe bien. Est-ce que vous êtes quand même respectée par la gente masculine ? Ben écoutez, je suis caractérielle, donc oui, ça va. Oui, d'accord. Oui, dans l'ensemble, d'accord. Ça c'est ça, c'est si oui, jamais oui, je me laisse pas faire. Bim, ils en prennent une. Alors, ben du coup, alors, je regarde, parce que vous savez, on vous demande, on vous pose des petites questions en antenne pour en savoir un peu plus quand on vous accueille. Donc, alors, vous êtes conducteur d'engin. Vous êtes fan de Sylvester Stallone et de Johnny Hallyday. Oui. Ah donc on est vraiment voilà. Sur ouais Sandra, faut pas lui en raconter. ça je peux vous dire que alors du Sylvester Stallone, j'en ai. What are you thinking about when I buzz your sound? What do you think about when the 15 pro you're coming out? Adrian! Voilà, vous l'aurez reconnu, c'était la version anglaise bien anglaise, sûr. Oui. Mais moi j'aime bien la voix d'Alain Dorval qui fait la voix de Stallone ah ouais, en français super. Qui a une voix aussi bien testostéronée. Et ben oui, en partant oui, sur ce mot. J'ai vu dans une interview et franchement il a vraiment la voix. Hein. Il a la voix. Mais par contre, sa voix ne correspond pas à son physique. Je non, pas du tout. Bah, il mesure 1m22. Et, non. Et si, bien sûr. Et il pèse 8,12 g. C'est très, très bizarre à voir. Et vous êtes fan de Johnny Hallyday, évidemment, oui. Comme tout le monde. Johnny Hallyday, qui a chanté Noël ? Noël de ma vie, mon Noël interdit. J'aurais tant aimé croire à l'histoire. Toujours autant de plaisir d'écouter du Johnny Hallyday sur RTL. Bon, alors moi j'ai une question à vous poser, Sandra. Oui. Parce qu'à un moment, il faut falloir quand même mener l'enquête. Où se trouve ce haut de maillot de bain ? Ah ! Oh non ! Parce qu'à un moment, la France veut savoir. Oh non ! Là, je l'ai perdu dans l'eau, sur l'Adriatique en Italie. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ben, on faisait du ski nautique avec mon oncle et mon frère. Et donc, c'était mon tour de monter sur les skis. Donc, le bateau a démarré. Et bon, quand un bateau démarre, pour sortir de l'eau, il faut beaucoup de puissance. Oui. Et je ne sais pas pourquoi, en sortant de l'eau avec mes skis, mon haut de maillot de bain est tombé. Je ne m'en suis pas aperçue. Ah, donc vous avez continué à faire du ski nautique, mais ah, ça bah, a l'air. Et je voyais mon frère et mon oncle me montrer leurs pouces en me disant, pour me faire dire de loin, super, super. Et moi, je disais, oh chouette, je sortais du sillage, je faisais, enfin voilà. Et quand j'ai baissé à m'en donner les yeux, ah ben j'ai compris pourquoi il rigolait. Et j'ai tout lâché, bien sûr. Évidemment, mais trop tard, hein, du coup. Trop tard. Ah, c'est mignon. Moi non plus, quand j'ai pas de culotte, je sens pas. Faut en parler du haut, là. Caroline, ça gêne tout le monde. Alors, Sandra. Oui. Du coup, quitte à ouvrir le micro de Caroline, laissons-lui poser des questions. Dire moins de bêtises. Ah non, mais je vous jure. Mais je suis sortable, hein. Même entre Noël et jour de l'an. Oh oui, j'aime beaucoup Caroline. Mais voilà, qui n'aime pas merci, Caroline. Merci, Sandra. Vraiment. Vous avez un score à battre, Sandra, je préfère vous le dire. C'est 8 bonnes réponses, c'est ce que nous a donné Alice tout à l'heure. D'accord ? Oula, ouais. Bon, 10 bonnes réponses finir. D'affilée, en plus vous avez une enveloppe magique de la Mère Noël. Juste avant 10h ce matin, on a offert un télévisor 4K, il reste des iPhones, des PS4, bref, il y a beaucoup super. De cadeaux. Ben oui, mais ça dépend de vous. Sandra, est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Étape chrono. En France, lors de quel mois débutent les soldes d'hiver? Novembre. Comment appelle-t-on l'enveloppe piquante qui contient les châtaignes? La coche. De quel groupe Kurt Cobain était-il le leader? Je passe. Quelle cuirasse protectrice recouvre le corps des tortues? La carapace. Dans quelle ville est né le petit beurre de Lu? Nantes. À quel humoriste doit-on les impostures téléphoniques de Monsieur et Madame Ledoux? La fesse. Comment s'appelle la technique qui consiste à se soigner à l'aide d'huiles essentielles? Je passe. Quel nom donne-t-on au restaurant typique de Lyon? Bouchon. Quel symbole présent dans la vie quotidienne sert à lire les prix d'un produit au supermarché? Un code barre. Qui a écrit l'écume des jours? Je passe. Dans quel pays ont lieu les Jeux Olympiques d'hiver de 2018? Je passe. C'était en Corée du Sud. Bon... Sandra. Ouais. Les soldes, c'est au mois de janvier. Oh mince. Ben oui, oh, oui, ça va arriver. Oui. J'ai pensé avant Noël. Eh ouais. Ben non, c'est après, là, d'ici quelques jours. Oui, c'est vrai. Oui. Ça, avant Noël, c'est ce qu'on souhaiterait. C'est bientôt, là. Dans un monde idéal. Mais dans la réalité, il faut qu'ils essayent de vendre au prix plein avant Exactement. Noël. Non, là, c'est bientôt, début janvier. L'enveloppe piquante qui contient les châtaignes, vous m'avez dit la cosse, quand on parle d'écosser les petits pois, par exemple. Mais c'est la bogue. Oh mince, oui. Et oui. Et moi, je dis que nous sommes à la période de Noël. Noël. Bravo, et... Bruno. Oui, non, vous m'impressionnez parfois. Vous êtes en train de vous réveiller. Vous écoutez RTL. Vous avez besoin d'un petit peu de douceur inhérente avec cet esprit de Noël qui flotte autour de nous. Le feu qui crépite dans la cheminée. Il y a cette bonne odeur qui reste peut-être du repas de la dinde d'hier ou d'avant-hier soir, de réveillon. Oh, c'est oui. Le lendemain de réveillon qui sont agréables. Et cette petite musique douce pour illustrer la troisième question. Le groupe de Kurt Cobain, c'était Nirvana. Ouais, c'est mon répertoire. Bah, sans la conductrice d'engin, fan de Stallone et de Johnny Hallyday, à un moment, il va falloir mettre quand même un petit coup de Kurt Cobain. Vous avez bien répondu sur Jean-Yves Lafesse, à qui l'on doit les impostures téléphoniques de Monsieur et Madame Ledoux. Je résiste pas au plaisir de mettre un petit extrait de Jean-Yves Lafesse. Oh oui. Oui, allô? Allô? Et pourquoi, madame? Ben, j'aurais voulu que vous veniez parce que j'ai une urgence pour ma coiffure. Attendez, je vous comprends pas. Nous ne faisons pas de coiffure à domicile, vous suivez bien? Oui. Hein? Et vous m'appelez pour de la coiffure à domicile, c'est ça? Voilà, c'est ça, pas du tout. Il est génial. Incroyable, ah oui. Il est fou. La technique qui consiste à se soigner à l'aide d'huiles essentielles, c'est l'aromathérapie. Ah oui. Et enfin, il a écrit l'écume des jours. Il a chanté aussi. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux. Une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur. Pour C'était Boris Vian, Sandra. Ah ouais. Bon. Oh ben là, oui, c'est la cata. Non, c'est pas la cata. C'est pas la cata. Et la cata, ce serait quoi? Ce serait qu'on n'ait pas réussi à se joindre ce matin pour passer un bon moment ensemble, Sandra. C'est vrai. Ça, ça aurait été une catastrophe. Vous avez 5 bonnes réponses. C'est pas suffisant pour le séjour à Disneyland Paris, mais c'est bien suffisant pour une belle montre RTL que je vais vous emballer de mes petites mains boudinées dans un joli paquet cadeau tout rouge et on envoie ça du côté de Montbard, d'accord? Oh, c'est très gentil. On vous embrasse, Sandra. Merci, moi aussi, je fais de gros bisous. Et passez de belles fêtes de fin d'année avec RTL. Merci beaucoup, vous de même. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back. And the banker never wears a mask in the pouring rain. Very strange. Penny Lane. Penny Lane, there is a fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of the Queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. Customer. We see the banker sitting waiting for a train. Sur RTL. RTL. Caroline Dublanche. Parlons-nous. Bonjour, c'est Caroline Dublanche. Chaque soir, je vous accueille dès 22h30 pour échanger avec vous sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Parlons-nous au 09 69 39 10 11. À ce soir. Prix d'un appel local. Caroline Dublanche. Parlons-nous. L'antenne est à vous. Du lundi au jeudi à partir de 22h30 sur RTL. Hey, t'es prêt pour le Super Boxing Day? 20 matchs de foot anglais pendant les fêtes, ça va être incroyable! Incroyable! Je dirais même que c'est ouais, c'est incroyable. Voilà! Le Super Boxing Day, c'est en ce moment avec 20 matchs unbelievable en exclusivité sur la chaîne RMC Sport. Abonnez-vous à partir de 9€ par mois sans engagement. Appelez le 1055, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, 9€ par mois pour les abonnés mobile et box de SFR jusqu'au 7 janvier ou 19€ par mois en abonnement digital. Unbelievable, incroyable. Monoprix. Tu sais que t'es une privilégiée quand t'es invitée à un royal mariage alors que t'as même pas de particules à ton nom de famille. Et tu sais que t'es une super privilégiée quand tu vas aux ventes privées Monoprix sans carton d'invitation vu que t'as la carte de fidélité. C'est les ventes privées chez Monoprix. Profitez jusqu'à 50% de réduction sur une sélection d'articles mode avec la carte jusqu'au 8 janvier seulement. Monoprix. Voir conditions de l'offre et de la carte en magasin et sur monoprix.fr. Guillon, Caroline Diamant, le grand quiz de Noël sur RTL. Oui, le grand quiz de Noël tous les matins jusqu'à 11h, depuis lundi jusqu'à vendredi. Voilà, soyez patients pour ceux qui se disent « Ah ouais, non, mais ça s'arrête vendredi. » Vous en faites pas. Oui. Avec Caroline, c'est un plaisir de vous accompagner tous les matins sur RTL pour vous permettre de repartir avec des gros cadeaux. Nous avons offert tout à l'heure, en première heure, un téléviseur à Uber, 4K plus le séjour à Disneyland Paris. Même chose, même punition, là, avant 11h du matin. Deux jours de rêve avec des entrées illimitées pour les deux parcs, Disneyland Paris, Walt Disney Studios. Une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge en pension complète. Vous partez en famille. C'est ce que va tenter de faire Marc maintenant sur RTL. Bonjour Marc. Bonjour Caroline et bonjour Bruno. Bonjour. Vous passez pas un bon Noël. Eh ben écoutez, parfait. Ouais. En votre compagnie, en compagnie des auditeurs d'RTL, c'est la première fois, mais on apprécie beaucoup. Bienvenue en tout cas. Je joue à la pétanque. Non, vous jouez. vous jouez à la pétanque. Bien sûr, oui, comme tous les Provençaux qui se respectent. Oh, il n'y a pas que les Provençaux. Hein. Vous savez, on peut être à Paris et puis taquiner un petit peu le cochonnet, Marc. Oh oui, oui, on peut jouer au plan de la tour, par exemple. Exactement, au plan de la tour. Je vois que vous connaissez ma vie privée, mais je vous attends pour un contest de pétanque sur le terrain du plan de la tour, quand vous voulez. Vous adorez Francky Vincent. Est-ce que c'est lui que vous écoutez pendant que vous jouez à la pétanque? Non, je le mets souvent l'été au bord de la piscine. Eh ben regardez, ça réchauffe un petit peu. Ouais. Voilà, vous fermez les yeux, on vous transporte immédiatement au bord d'une piscine. Vous êtes en été et Francky Vincent est là. C'est bon, vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Et oui, je zouk aussi, Bruno. Il n'y a pas de souci. Bah, et deux salles, deux ambiances. Moi, j'ai vu qu'il aimait aussi ce genre de son. Je préfère, moi, ça. Ah ouais, forcément. Quand il y a du cheveu long, ça hurle et la tête tourne comme c'est si... C'est pour ça que je travaille avec vous. Il y a du cheveu long, ça hurle et la tête tourne de temps en temps. Ok, j'ai tendu la perche. Vous l'avez bien attrapé. C'est Thunderstruck, hein, d'ACDC. Exactement. Bon, j'en ai un autre petit, si vous voulez. Hein. Ah, j'aime moins. Ah, d'accord, trop, si vous aimez. Trop commercial, moins, peut-être. Non, ouais, trop commercial, trop disco, peut-être. D'accord, très bien, pas de soucis. Ah oui, attendez. Du disco, mais oui, moi je trouve ça trop disco. Bien sûr, évidemment. Ah ouais, attends, à côté, Gloria Gaynor. Et Claude François, je peux vous dire que... Voilà, hop. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps que je vous laisse entre les mains de Bruno pour qu'il vous pose des questions, oui, que vous y répondiez et que vous essayiez de battre 8 bonnes réponses puisque c'est le et score, voilà, marqué par Alice pour le moment. Je vais tâcher. Eh bien, et oui, ben, Marco, on va y aller. Et comme dirait Francky Vincent, Alice, Alice. Exactement. Et bon, on espère que ça va glisser. Si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous aurez la chance d'ouvrir une des enveloppes de la mère Noël ce matin, en plus du séjour peut-être à Disney. On y va, Marco? On y va. C'est parti. Combien de temps dure le sommeil d'Aurore dans La Belle au bois dormant? 100 ans. Quelle est la race du chien de l'inspecteur Colombo? Un basset. Quel nom porte la pomme entourée d'un sucre caramélisé rouge? La pomme d'amour. Quel boys band français était composé de Philippe, Franck et Adèle? Tout gris. Quelle charcuterie, peut être Diorc, au torchon ou à l'os? Le jambon. Quel est le nom de la pièce dans laquelle un comédien se prépare avant d'entrer en scène? Je passe. Quel chapeau est aussi le titre d'un film avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo? Borsalino. Quelle petite rondelle en caoutchouc sert à réparer une chambre à air de bicyclette? Une rustine. Quelle ancienne cité inca péruvienne est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO? Je passe. Qui est l'auteur des contes du chat perché? Perrault. Traditionnellement, quelle soupe marque la fin du banquet de mariage? La soupe à l'oignon. Dans quelle ville a lieu la vente des vins du domaine des Hospices? À Bonn. Comment s'appelle un bateau à voile doté de deux coques? Catamaran. Oh là là, mais je peux vous dire que la mère Foura, elle a fait non, non, non, non, non. Parce que c'était au-delà du chronomètre. Oh. Mais non, je pense que ça se passe pas mal quand même, Marc. On va revenir sur vos réponses avec Caroline. C'est moi. Oui, je crois. Oui, le sommeil d'Aurore dans La Belle au bois dormant dure 100 ans. Moi, je trouve que cette période de Noël est propice pour se refaire les grands classiques de Disney. Oui. À la chaleur du feu de cheminée, auprès du radiateur, avec un plaid. Voilà, vraiment. J'adore, ça me fait rêver. Ah, j'attends que mon prince charmant vienne me réveiller. Non, j'attends pas du tout. La race du chien de l'inspecteur Colombo. Oui, c'est le basset. Oui, vous avez donné la bonne réponse. Mais oui, j'embrasse Colombo parce que, voilà, s'il y a bien un point commun entre Bruno et moi, un goût commun, et vous savez, vous qui nous écoutez régulièrement, qu'il n'y a pas beaucoup de goût commun, c'est bien notre inspecteur Colombo, notre petit Franck Colombo. Exactement, Franck Colombo, dont le nom du chien est... Le chien. Le chien. Ah, quand je dirais ça à ma femme. Eh oui, merci inspecteur. Enfin, lieutenant, pardon. Le nom que porte la pomme entourée d'un sucre caramélisé rouge, c'est la pomme d'amour. Et toi, je mange une pomme d'amour. Tu veux vous croquer? Serpent, je ne mange pas ce pain-là. OSS 117 nous donne cet extrait sympathique. Et puis, vous avez raison, c'était les 2B3 qui chantaient avec... non, ils ne chantaient pas avec Philippe, Franck et Adèle, puisque c'était Philippe, Franck et Adèle qui chantaient. Ah, les excès des fêtes. Le nom de la pièce dans laquelle un comédien se prépare avant d'entrer en scène, mais il est dans sa loge. Chacun a ses petites... choisit comment il se prépare. Le chapeau, qui est aussi le titre d'un film avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, c'est le fameux Borsalino. Musique de Claude Bolling. Ça aussi, ça va bien avec la période de Noël. Les vieux classiques du cinéma français. L'ancienne cité Inca péruvienne qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est le Machu Picchu. Non, c'était pas bien l'accent. Si, si, c'était très bien, mais je pense que vous attendiez un son pour le Machu Picchu, on n'en avait pas. Pas du tout, je vois pas ce qu'on peut mettre. Ah si. L'auteur des contes du chat perché, vous avez dit Perrault. Je vous dis Marcel Aimé. Et je pour vous le dis, reste, c'était tout bon. Et je vous dis que... Vous avez totalisé 9 bonnes réponses, ça vous place en tête, Marc. Bravo. Ah, super. Et ça a glissé, du coup. Ça a glissé. Est-ce que ça va glisser jusqu'à 11h du matin? Je vous le souhaite. On va avoir encore un candidat ou une candidate pour jouer avec nous, d'accord? Si cette personne ne dépasse pas les 9 points, eh ben la bonne nouvelle, c'est que je vous reprendrai à l'antenne pour vous offrir le séjour à Disneyland Paris. Pour l'instant, c'est une montre RTL. D'accord, Marc? D'accord, à tout à l'heure, peut-être. À tout à l'heure, on vous embrasse. Au revoir, merci. Tu te souviens, les couleurs sur les baskets, les crayons dans les cassettes, je rembobine. Tu te souviens, tous ces rêves pleins nos disquettes, à Paris c'était l'esthète, 1987. De la compilation double CD Les Hits RTL 2018 Calogero 1987. De Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Alors ce soir, en apéritif, cocktail de crevettes, en entrée, une salade de crevettes, en plat, un curry de crevettes et en dessert. Des crevettes hein? Ah non, des kiwis. Dès aujourd'hui, les crevettes cuites sauvages sont à 1,69€ les 100 grammes et c'est seulement jusqu'à jeudi dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 16,90€ le kilo. Crevettes cuites sauvages de 30 à 40 pièces au kilo, pêchées en océan Indien. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Roulez en Peugeot maintenant. Commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de voyager dans la très confortable berline Peugeot 308 et si vous êtes impatient de maîtriser parfaitement vos trajets avec sa navigation 3D connectée, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant de votre Peugeot 308. LLD 37 mois 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur Peugeot.fr. On a tous droit au meilleur des réveillons avec Carrefour Market. Pour le nouvel an, j'ai prévu les choses en grand. Nous aussi, Michel. Ah oui, grand comment ? Jusqu'au 31 décembre chez Carrefour Market, vous bénéficiez de 60% d'économie sur la carte fidélité pour l'achat du jambon entier à l'os belle. Et c'est valable sur de nombreux produits de grandes marques. Mais c'est énorme ! Et pour l'achat du coffret, la griffe et le couteau sont offerts. Ah oui, quand vous dites que vous faites les choses en grand, c'est pas une blague. Carrefour Market. Le coffret jambon de 5 kilos, voire modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. C'est le grand quiz de Noël. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Sur RTL, sur RTL. Quelle responsabilité pour Anthony qui arrive maintenant sur RTL, qui est le dernier candidat de la matinée et qui sait que il va falloir faire neuf s'il veut gagner le séjour à Disneyland Paris. Un petit peu de pression pour Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour Bruno. Bonjour Anthony, bonjour bienvenue Caroline. Sur RTL. Vous êtes Alan dans la Sarthe, c'est bien ça ? Tout à fait. Papa de deux enfants, comment se prénomme-t-il ? Théo et Axel. Théo et Axel seraient ravis, je pense, de partir à Disneyland Paris, en famille. Oui, c'est sûr. Ça va dépendre de vous, je vois que vous êtes boulanger. Bon, autant dire que là, en cette période de fête de fin d'année, ça ne doit pas chômer beaucoup du côté de la boulangerie, Anthony. Ah non, non, là, c'est la grosse période. La spécialité, boulanger, c'est quoi ? Ouais. La spécialité, c'est de la viennoiserie. C'est ma femme qui le fait. Ça s'appelle des nœuds. Des nœuds ? J'adore les nœuds. Oui. Ah. Voilà. Alors, du coup, Anthony, enchaînons juste derrière ça, sans transition. Un petit peu de musique. Alors, vous savez quoi ? On parlait de douceur de Noël tout à l'heure avec Nirvana près de la cheminée. Il y a ça aussi pour vous, Linkin Park. Et du coup, vu qu'on est dans l'esprit de Noël et un peu de douceur à la française, avec Booba aussi, que vous aimez bien. J'entends pas que ça tombe du ciel, si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Le Grand Quiz, c'est quand même la seule émission, en l'espace d'une heure et demie, on peut passer de Mike Brandt à Booba, en rebondissant sur Paul McCartney et en cognant un peu Linkin Park. Voilà, moi je vois pas d'autres émissions où on peut faire ça. Vous parlez de boulangerie, votre chérie, vous l'avez rencontrée justement dans l'école de boulangerie où vous avez fait vos études. Oui, c'est ça. Oui, on faisait nos études, on s'est retrouvés dans la même classe et puis j'ai trouvé charmante. Et depuis, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, deux enfants et un commerce. Et ben, vous savez quoi, c'est magnifique. Vous vous rendez compte, très jeune. Bien sûr. Ils se sont connus très très jeunes. Puisque vous êtes sur l'antenne d'RTL et glissez-nous le nom de la boulangerie pour savoir où est-ce qu'on peut aller. Alors moi, je vous prendrai des chocolatines, faut pas m'en vouloir, mais je suis du sud-ouest. Mais où se trouve la boulangerie ? Elle se trouve à Alonne même ? Oui, dans le vieux bourg d'Alonne. Ça s'appelle la Crocandise. La Crocandise. Eh bien, joli. C'est tout un programme. Bon, mais maintenant oui, que à la fois le croquant et la gourmandise. Et la gourmandise. Bien sûr. Mais oui, j'aime bien. C'est marrant parce que d'a priori, je vous faisais plus ressembler à Mercotte qu'à Cyril Lignac, moi. Mais bon. Allez, on y va, Anthony. C'est Caroline qui vous pose les questions. D'accord. Il n'y a pas à tortiller. Il faut 9 bonnes réponses. Au minimum. Au minimum. On va essayer, oui. Pour partir à Disney. Vous êtes prêts ? Oui. Top chrono, c'est parti. Quelle grande cuillère profonde est utilisée pour servir le potage ? Louche. Comment appelle-t-on le Père Noël aux États-Unis ? Santa Claus. Quelle est la couleur de la fleur appelée bouton d'or ? Jaune. Comment appelle-t-on les cornes des cervidés ? Les cerfs. À quel poste Hugo Lloris évolue-t-il en équipe de France de football ? Gardien. Quel acteur reste l'inoubliable Fantomas au cinéma ? Passe. Quel est le composant de base du verre ? Sam. De quel groupe Adam Levine est-il le leader ? Maroon 5. En argot, quelles parties du corps sont appelées les ratiches ? Les dents. Quel est le titre de l'album posthume de Johnny Hallyday ? Mon pays, c'est l'amour. Quelle pâte à potage a la forme d'un filament plus ou moins long ? Vermicelle. Quelle pièce de Molière met en scène Monsieur Jourdain ? Passe. Dans quelle ville se trouve le musée de l'Ermitage? Je passe. Quelle comédienne joue le rôle de Betty dans le film 32 degrés le matin de Jean-Jacques Benex? Pas Jenny. Oh non, pas Jenny. Ah. Béatrice. La pulpeuse Béatrice Dalle. Écoute, Betty, ah oui. Il était pas d'accord pour que tu restes ici, sauf si on se mettait au boulot, c'est tout. Mais putain, il y a plein de tous ces baraques, mais ça a pissé, tu crois pas, non? Ouais, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Mais putain, on tombe toujours sur des salauds, il faut pas discuter avec eux, il faut les descendre, c'est tout. Et ça changerait quoi, hein? Mais t'as pas de fierté? Oh si, mon chaton, si. Et si je dois repeindre toutes les baraques de la ville pour qu'on reste ensemble, je les repeindrai, même en rose, crois-moi. 37-2 le matin, extraordinaire, Béatrice Dalle. Bon, on va revenir, si vous le voulez bien, sur vos réponses, Anthony. Et on va le faire sur la première radio de France, RTL, juste après ça. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les selfies de Thelma qui changent. Avec le smartphone Samsung Galaxy J2 à 99,90€ au lieu de 169,90€. Moins 70€, Thelma. Cet écran fissuré depuis 6 mois. Oublie-le, fais-toi plaisir. Jusqu'à demain, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le smartphone Samsung Galaxy J2 16Go à 99,90€ et vos selfies changent. Auchan. Don éco-participation 2 centimes. Kit main libre recommandé, DAS 0,673 watts par kilo. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Sur RTL. 370 000 personnes en France seraient en fauteuil roulant. Comment vit-on lorsqu'un accident de la vie nous contraint au handicap? Leçon de vie cet après-midi, de 15h à 16h, dans On est fait pour s'entendre sur RTL. RTL, on a tellement de choses à se dire. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne matinée sur RTL. C'est le grand quiz de Noël sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et Anthony qui a joué avec nous tout à l'heure. Anthony, nous revenons sur vos réponses si vous le voulez bien. Oui. Ça a bien démarré et puis sur les cornes des cervidés. Comment est-ce qu'on les appelle? Bois. Bah oui, mais dis le cerf, les cerfs, non, ah c'est oui, les bois. C'est bien Hugo Lloris qui est le gardien de but de l'équipe de France. Caroline, vous me regardez d'un drôle d'œil, vous connaissez VG Dream quand même, Caroline? Non. Mais pourquoi il parle de ramener la coupe 20 ans après à la maison? Mais non, on l'a gagnée cet été, la Coupe du Monde, c'est? Non, sans déconner. Mais oui, bien sûr. mais vous en avez parlé tout l'été. Ben je sais, c'est pour ça. Mais c'est bizarre. Quel acteur restera l'inoubliable Fantomas au cinéma? Bien sûr, Jean Marais. Oui, c'est bien moi. Fantomas. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais. Voilà. Mais évidemment, mais moi je me revois petit, avec mon pyjama en pilou sur le canapé, avec le générique du film de dimanche soir. Et derrière, le générique de Fantomas qui commence, avec la Rolls-Royce. Ça aussi, je vais me le refaire, voyez, pendant les vacances de Noël. Film de Noël aussi, ça, très bien. Le composant de base du verre, c'est le sable. Bonne réponse. Oui, Adam Levine est le leader charismatique du groupe Maroon 5. En fait, Anthony, vous allez vous mordre les doigts sur cette réponse si là, maintenant, vous la trouvez. Quelle pièce de Molière met en scène le monsieur Jourdain? C'était le bourgeois gentilhomme. Ah oui, c'était pas. Et oui. Et le musée de l'Ermitage, c'est Saint-Pétersbourg. Et si je vous dis pourquoi vous allez vous en mordre les doigts? Parce que je dois être à 8. Anthony, c'est que vous avez 9 bonnes réponses. Et vous êtes donc à égalité avec Marc, qui a joué avec nous tout à l'heure et qui du coup était en attente au standard RTL. Rebonjour Marc. Oui, je suis là. Alors, rebonjour. Dans ces cas-là, comment ça se passe? Nous vous posons, avant que vous arriviez à l'antenne, une question qui s'avère être la question subsidiaire. Et la question que nous vous avons posée hors antenne était la suivante. Combien de personnes ont participé au plus grand rassemblement d'elfes en Thaïlande le 25 novembre 2014? La source, c'est le Guinness World Records 2018. Votre réponse, Marc, c'était 25 000. Votre réponse, Anthony, c'était Je sais plus, 2500, je crois. Exactement, c'est 2500 la réponse que vous avez donnée. Ils étaient ce fameux 25 novembre 2014. 1762. Anthony, c'est gagné. Ah, super. Ah, c'est vraiment cool. Anthony, merci à Marc, il s'est bien battu, mais voilà. Bon séjour à Anthony. Hein. Et ben ça c'est merci fair play. Marc, bon joueur. Ben oui, c'est fair play. Vous êtes joueur de pétanque, Marc. Vous acceptez la défaite et c'est tout à votre honneur. Bon Anthony, avec votre chérie et vos deux enfants, c'est un séjour de rêve que vous allez passer à Disneyland Paris. À vous de voir si ils seront plus princesses ou pirates. Puis pour vous aussi, parce que vous savez, dès qu'on arrive à Disneyland Paris, on redevient tous des enfants. Vous allez vivre cette expérience 2 jours donc sur le parc avec une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge en pension complète, d'accord ? Ah, ça va faire plaisir, oui. Anthony, ah oui, j'imagine. On vous embrasse. Et vos enfants aussi. D'accord, bisous à Théo et Axel. Merci Caroline. Bon. Moi, ce que j'ai envie de dire, Caroline, c'est à demain. Ah bon ? Oui. Vous êtes sûr que vous voulez qu'on se revoie ? J'ai très envie. Demain matin, 9h30 sur RTL. Dans quelques instants, c'est Stéphane Bern, voilà, qui vous accompagne avec un à la bonne heure spécial voyant ce matin. Il y a Christine Haas et Frédéric Williams qui sont ses invités. Et c'est vrai qu'à l'approche de la nouvelle année, on commence déjà à penser à ce qui va se passer pour nous et puis ce qui va se passer pour tout le monde. Et bien, spécial voyance, ça arrive dans quelques minutes après les infos. Vous écoutez.